The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Pool. La piscine. To swim. Nager. Life preserver. La bouée. Diving board. Le plongeoir. Lifeguard. Le maître nageur. To jump. Sauter. Now a bit faster. To swim. Nager. Diving board. Le plongeoir. To swim. Nager. Diving board. Le plongeoir. Lifeguard. Le maître nageur. Diving board. Le plongeoir. Lifeguard. Le maître nageur. To swim. Nager. Lifeguard. Le maître nageur. To swim. Nager. Now, use the words in context. La piscine. I love going to the swimming pool. J'adore aller à la piscine. Nager. I swim 2 kilometers every day. Je nage 2 kilomètres tous les jours. Le plongeoir. I am scared of diving from that diving board. J'ai peur de sauter de ce plongeoir. La bouée. I've never put on floaties to learn how to swim. Je n'ai jamais mis de bouée pour apprendre à nager. Le maître nageur. The lifeguard watches the beach. Le maître nageur surveille la plage. La piscine. I love going to the swimming pool. J'adore aller à la piscine. Le plongeoir. I am scared of diving from that diving board. J'ai peur de sauter de ce plongeoir. La bouée. I've never put on floaties to learn how to swim. Je n'ai jamais mis de bouée pour apprendre à nager.